Chers auditeurs et chères auditrices, nous sommes heureux de vous recevoir encore une fois sur On Air, l'émission qui agit pour l'insertion par la radio. Nous allons commencer par vous présenter Franck et Taous. Franck, il nous parlera tout à l'heure de notre grand ami Coluche qui a fêté malheureusement ses 30 ans de disparition cette année. Et Taous qui nous parlera de bikini. Alors messieurs, accrochez-vous. Bonjour William. Bonjour à toi Taous. Bonjour William. Ainsi soit-il Franck. Heureux d'être présent à nouveau. Oui, oui. Excellent. On va commencer par toi Taous. Tu aurais quelques modèles? Oui William, nous allons parler de maillots de bain. Donc j'ai deux maillots de bain comme vous voyez. Alors le premier maillot de bain, une pièce, c'est un maillot de bain donc il est très dessiné au niveau de la poitrine, échancré au niveau de la taille. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? C'est un maillot de bain triangle, c'est-à-dire il prend bien la forme du corps. Et donc on a plusieurs tailles, on a du 36 au 44. On a plusieurs coloris bien sûr, mais je pense que mesdames vous aimerez rien que le fait de l'essayer. Je vous laisse regarder. Oh, c'est très beau, ça, c'est excellent. Je vais prendre mes vacances à l'avance, je pense, cette année. C'est vrai? Mais je pense que c'est votre femme ou votre amie ou votre voisine qui serait très contente. Et en plus, en parlant du prix, il est vraiment pas cher, 289 oui, euros. Oui, 290 euros, oui. Ouais, c'est vrai qu'il est beau, comme maillot de bain à une pièce. Tu vas sûrement trembler, Franck, cette année, non? Tu vas où, à la plage? Oui, je pense que ça va bouger. Ensuite, un deuxième modèle, toujours chez Printemps Paris. Il est noir. C'est une pièce, nid d'abeille, c'est-à-dire il se porte moulant, même signification que le premier, bien échancré au niveau des aisselles. Par contre, il se porte sur une bretelle, très ouvert sur les côtés au niveau du bassin. C'est très chic, très simple, classique. Je vous laisse regarder. C'est vrai qu'il est différent du premier que je vous ai parlé. Il y a plusieurs tailles, du 36 aussi jusqu'au 44. Et le prix est très abordable, 65 euros. Oui, mais je crois qu'en voyant ça, je vais pas attendre la fin de l'émission. Qu'est-ce que t'en penses, Franck? Il est vraiment très beau comme maillot. Oh bah oui, quand même. Pour, en espérant que le prochain, que c'était vraiment un maillot que nous fera montrer et pas rien. Alors, mesdames, je vais changer de style. Ça sera le maillot de bain de pièce. C'est un twisté satin noir Amélie. Il prend bien les formes aussi. Bien sûr, nous avons plusieurs tailles. C'est un haut triangulaire, c'est-à-dire qui prend bien la forme des seins, qui est bien cintré au niveau du dos et qui est très affiné au niveau des bretelles. Donc, je vais vous laisser regarder. Ensuite, le string devant, pareil. Très bien échancré. Je vais vous laisser regarder. Ensuite, je vous parlerai du prix. Franck, peux-tu regarder? Tu me dis quelques mots de ce que tu en penses. C'est joli comme maillot de bain de pièces. Par contre, c'est comme c'est l'anniversaire de ta femme et comme c'est les promos, les soldes, je pense que tu peux lui faire un beau cadeau. Moins 40% pour toutes ces dames, je pense qu'elle serait contente. Bah, disons qu'avec une taille de guêpe comme ça, je voudrais bien être un frôlon. Ah, par contre, celui-ci, le prix est de 114 euros. Excellent. Mais bien sûr, vous pouvez tomber sur d'autres modèles identiques. Ça dépend de la marque aussi, mais enfin, on va pas trop en parler des marques. Mais s'il vous plaît, vous pouvez avoir un prix abordable. Et je pense que ça vaut le coup. Disons que pour la beauté de la femme, il n'y a oui, pas de prix. Non, mais sur Printemps, vous pouvez trouver votre bonheur. Je pense que rien que le fait de faire un petit cadeau, il y aura le choix. Merci, Taous. D'accord. T'as des autres bikinis à nous faire montrer? Oui, là, on va parler des maillots de bain pour enfants. Oui, Taous. Donc là, je vais vous sortir maillot de bain pour petite fille. Donc, il y a aussi une tendance, comme tout, hein, que ce soit femme, homme, enfant, ou fille ou garçon, il y a des tendances. Là, j'ai la première tendance, c'est les maillots de bain Reine des Neiges, qui se vend très bien. J'ai entendu parler, ma fille en a un d'ailleurs. Oui, et c'est un prix abordable, 14 euros, et à toutes les tailles de 36 à 38, pour enfants bien sûr. Hein. Donc, je vais vous faire voir, vous regardez, vous m'en dites quoi. Ah oui, c'est très beau, effectivement. Et on voit en dessous de plusieurs bikinis. Il y a aussi, plusieurs modèles. Taous, oui, il y a bien des maillots de bain à motif à poids, des combinaisons à shorts, des robes de bain bien imprimées de poids. Oui, c'est très beau, Taous. On a de tout, on a de tout. Par contre, ça se trouve au hall. Et je vous ai parlé du prix, bien sûr, je pense, oui, 14,99 €. Et c'est des prix abordables. D'accord, Taous. Il y a des autres maillots de bain aussi pour enfants. C'est deux pièces. C'est imprimé à petit poids, rayures aussi, qui se vend très bien. Mais là, c'est un prix très abordable pour les enfants ou les grandes familles ou quoi qu'est-ce. Toujours à la halle. Oui, toujours à la halle. Celui-là, il est de 5,99 €. 5,59€. Il est à petits pois. Je vous laisse regarder. Vous m'en dites quoi? On voit qu'il y a des petits papillons sur les côtés. C'est très beau pour les enfants. Oui, c'est très agréable pour les enfants. Pour une fille, ça va, mais... On va passer pour le maillot de bain. Enfant, mais garçon. J'ai deux garçons, ça tombe bien. Je sais pas où acheter du linge cette année. Oui, là des, aussi, des tendance bariolée, fleurs... On tient à rappeler que c'est toujours à la halle. Non, c'est pas sur le hall, c'est maillotdebainhomme.com. C'est les maillots de bain pour enfants, bien sûr, garçons. J'ai les références et tout ça. Et là, je vous ai sorti deux maillots de bain bariolés à fleurs. Et c'est des prix très abordables, de 44,90€ à 48,90€. Pour ceux qui ont des enfants garçons, je pense que ça leur plaira. Et on a toutes les tailles. Excellent, Taous. Ça va toucher beaucoup de familles françaises. Oui, bien sûr. Bah, pour ceux qui ont des grandes familles, c'est pas évident. Et c'est pas pareil qu'une femme qui a juste un enfant. Donc c'est très bien même. Oui, le short que nous a promontré, c'est un junior board short blue white black, hein, de marque Quicksilver. Un dessin fantasy bleu-blanc, en polyester, sans slip intérieur. Oui, et ça, faut bien le préciser, oui. C'est pour ne pas que les enfants, ils ont des rougeurs ou qu'ils soient plus à l'aise. Et ça se fait dans les deux variétés. Ouais, pour que hein. Le paquet puisse bouger. Voilà, plus à l'aise, on va dire. Mais sinon, il y a les deux variétés, soit avec la petite culotte qui est à l'intérieur, ou soit sans. Et surtout la matière, c'est du 100% polyester. C'est-à-dire, je vais expliquer, c'est quelque chose qui se sèche rapidement avec le soleil. Et vous avez aussi, j'ai oublié de vous le dire, il y a un petit cordon. Donc c'est vrai que les enfants n'ont pas tous le même poids. Donc c'est soit que vous le portez tel qu'il est. Mais c'est surtout pour éviter, quand tu portes des shorts comme ça, c'est surtout pour éviter que les gens tirent dessus. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi le cordon bien, oui, je pense en premier bien, lieu. Mais aussi pour la taille, pour être bien à l'aise, pour pas qu'il tombe dans l'eau, quoi. Bon, bon, en fait, parce que si vous ressortez de l'eau sans votre short... J'ai pas mis ma ficelle de mon short, et derrière moi, tu tires dessus. Bon, je le laisse en bas, le short. Donc, c'est un short qui vous maintient bien. Donc, vous pouvez aussi retrouver tous ces maillots de bain sur le site maillotdebainhomme.com. Donc, on va suivre ce programme avec les maillots de bain homme. Toujours tendance, coloris rouge. Vous avez plusieurs coloris, bien sûr. Rouge, noir, tout ce qui plaît. Vous avez à vos goûts. Ensuite, je vais vous décrire la matière. Polyamide, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est un tissu qui se lave, enfin qui se mouille, qui sèche très vite avec le soleil. Et là, comme c'est les tendances de solde, vous avez ce produit à 36€ au lieu de 60€. Oh, je le veux, je vais le chercher après au magasin. Vous avez un choix de taille et vous avez, quand si vous allez l'acheter, où il y a une description, c'est à merveille. Tu le trouves dans quel magasin, Taous? Celui-ci, c'est aussi Printemps Paris. Je vais vous laisser regarder et vous m'en direz quoi. Oh, s'il y a personne parle, c'est que ça plaît. Oh, Franck, elle reste muet en voyant un tel short, c'est excellent. C'est la couleur rouge qui vous bloque? Non, pas vraiment. Ce serait plutôt la taille. La taille? Parce que là, je vois quand même mannequin à mesure 1m88. On a plusieurs tailles, c'est du aussi du 38 au 44. Bien sûr, taille L. Hein. Ça me plairait. C'est beau, c'est tendance, c'est simple et c'est chic à la fois. William, je vous laisse regarder. Ouais, ben je crois que je vais aller faire un petit tour sur Internet pour voir comment ça se passe les commandes. J'ai un autre maillot de bain, à peu près dans le même style, un peu moins long, très moulant, c'est Olympia, il est noir. Vous avez aussi plusieurs couleurs, il y a les tailles, je crois que je suis en train de me répéter surtout, mais en fin de compte, vous retournez. Ça doit être un pour short. Ça ressemble plus dans mes catégories en double XL, voire 3XL. Short de bain. Marque Olympia noir et blanc vert. À gauche, logo en métal. Cordon de serrage intérieur, petite poche intérieure. Franchement, on a toutes les variétés. Bon. En un clic, vous pouvez trouver votre bonheur. Il y a rien à dire, C'est vrai que c'est très bien. Franck, vraiment, je t'ai déjà vu en short et bon, t'es pas terrible en short, mais en mettant ça avec ta musculation, étant donné que tu fais du sport depuis pas mal d'années maintenant, oui, en plus c'est nouveau, c'est news. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, Franck. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, ce serait plutôt short de plage, donc ouais. Mais de toute façon, hein, celui qui aime, il commande. Alors là, j'ai un autre maillot de bain pour homme. C'est le maillot de bain boxer caleçon. Donc on a aussi plusieurs tendances. Là, c'est rayé. Vous avez couleur unie de tout, quoi. Même prix de 36€ à 43€ à 51€. C'est des prix abordables. Et si vous voulez, le principal, c'est qu'ils tiennent, qu'ils tiennent bien le paquet. Il maintient bien, voilà. Mais et puis, si ils montrent bien la forme des fesses. Ouais, très bien. Et sur celui-ci, vous avez une petite, fermeture devant, c'est avec un petit logo. Donc, t'as pas intérêt de la fermer parce que je crois que ça fait peu le fantasme des hommes, mais c'est très demandé et c'est très tendance. Donc pareil, le prix de 43,90€ à 51€. On a toutes les tailles de S. Mais faut pas que ça soit le prix des urgences, parce que comme j'ai lâché ému, et puis que des fois c'est pas remboursé par la... Non, c'est pas remboursé par la Sécu, vous inquiétez pas. C'est pas du tout remboursé par la Sécu, mais par contre il y a juste que 3XL. C'est les tailles au-dessus et c'est beaucoup demandé, c'est très tendance et c'est les couleurs d'été. Ensuite, je vous ai préparé 3 petits cadeaux. Ah, excellent, excellent. Curiosité. Je sais pas, j'ai voulu vous voir dans d'autres maillots de bain. Alors, on va commencer par Yannick. Comme son micro est rouge, je lui ai préparé un maillot de bain Strong Solid Head. Je suis pas très bonne en anglais, mais rien qu'à regarder la page, vous allez être flattés. Donc, c'est un maillot de bain rouge, bien centré, qui porte bien les bourses, c'est le cas de le dire. On a plusieurs tailles, c'est un string. Et je crois qu'il aime les strings, parce qu'on en a parlé... C'est un peu vrai. Ensemble et il adore ça. D'ailleurs, il voudrait que sa femme lui offre ce modèle-là. Je sais pas pourquoi. Il l'a choisi de lui-même. Alors, je vais vous le faire voir. Il y a toutes les tailles, plusieurs coloris aussi, avec un petit nœud devant. Oh, mais c'est excellent. Sublime, sexy. Je vous laisse regarder. C'est pas trop mon style, mais bon, il est bien. Pourquoi bien. C'est pas votre style? C'est très tendance. C'est... Bah, quoi qu'il en soit, Franck, je suppose que c'est reste un string. Un string, c'est, je suppose que ça va plus sur les personnes féminines que sur les personnes masculines. Bah, bon, maintenant, on parle physiquement. Non, mais si vous voulez ce maillot de bain, avec vous le allez petit papillon aussi devant. Aller sur maillotdebainhomme.com. Vous verrez, vous serez pas déçus. Il y a plusieurs modèles et ça se porte bien. Ensuite, j'ai un maillot de bain, mais alors là, je crois que j'ai dépassé mes limites. Je l'ai choisi pour Franck. Ah, c'est vrai, je veux le voir, je veux le voir. Franck, je sais pas, rien qu'à le fait de vous regarder, je vous ai stylé. C'est le mot à dire. Alors, je vous ai trouvé un maillot de bain anthracite, c'est-à-dire, il ne se tient pas sur la taille, il se tient juste au niveau des bourses, jusqu'au derrière. Est-ce que c'est bien compris? Alors les prix, c'est pareil, 25,90€ à 23€, c'est des prix abordables aussi, il y a de X à 3XL, je vais vous laisser regarder, et ce modèle se vend très bien, très bien, très très bien même. Vas-y, fais voir là que tu vas. Tellement que je l'aime, je ne passe même pas la feuille. Mais c'est un string de bain, c'est un tank solide char. Oui, oui. D'accord. Franck, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça fait un peu cher, quand même, le tissu, hein. Non, mais ça se porte bien. Rien que, regardez, j'aimerais que mon mari le porte le même. Donc, si vous voulez aussi, vous allez sur le site maillotdebainhomme.com. Tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, vous les trouverez sur ce site. Alors là, William, je t'ai fait un petit cadeau aussi à toi. Ouais. Oh, je t'ai fantasmé avec un string, mais alors d'une beauté. Fantaisie. Il y a plusieurs couleurs, noir, multicolore, devant polyamide, mesure latérale, 1 cm. Donc le prix 31,90€, le moins cher bien sûr 29,90€, toutes les tailles X, S à X. Il est très fin, il se porte à merveille, je vais vous laisser le regarder, c'est un string. Il y a toutes les tailles. Hein. Vas-y, fais voir. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Par contre, il y a aussi deux petits anneaux derrière, je sais pas à quoi ils servent, mais... C'est que ça maintient bien. Bon, écoute, Taou, c'est pas du tout mon goût, mais ça. Il y a pas de goût. Il suffit d'essayer. Vous allez voir, vous vous regardez, vous allez vous aimer. Non, je pense pas que ce soit pour mon goût, Taou. Je te remercie d'avoir pensé à moi. C'est beau. Bah, écoute, moi, je serais plus attiré vers le goût de Franck. Je suis pas pour le string non plus. Bah, vous êtes pour quoi, alors, si vous êtes pas pour les strings? Je serais plutôt short de plage. Mais dans la vie, faut tout faire montrer, faut pas hésiter. Oui, mais je veux bien faire montrer aussi, mais Avec ceci, la musculation, c'est idéal. Ouais, mais bon, je suis pas non plus, C'est pas non plus quoi? Bah, il en faut pour tous les goûts, de toute façon. Ouais, il en faut pour tous les goûts, mais bon, là, Quand même. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, tout ce que je vous ai présenté. De toute façon, si les maillots de bain vous ont plu, vous allez sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, maillotdebainhomme.com ou Printemps Paris. Vous avez toutes les variétés, toutes les tendances, et je pense que ça vaut le coup de y jeter un œil. Bon, Taous, on va arrêter ton reportage sur les strings pour aujourd'hui. Nous allons passer sur un sujet un peu plus sérieux, voire plus plaisant pour moi, avec Franck, parce que nous passons sur un collègue humoristique, moins un collègue, façon de parler d'une personne humoristique qui est partie maintenant depuis 30 ans. En effet, William, j'ai fait une chronique sur Coluche, parce que c'était une personne hors du commun, qui savait faire rire les gens, mais aussi les aider. Coluche, de son vrai nom, Michel Colucci, né le 28 octobre 1944 à Paris, a débuté sa vie d'artiste au Café de la Gare. Son premier sketch, c'est l'histoire d'un mec qui n'a pas connu beaucoup de succès, contrairement à ses autres au sketch suivant. Il revendique sa grossièreté sans jamais être vulgaire. Il s'était produit à l'Olympia dans son dernier sketch, dans son dernier spectacle, Mes Adieux au Musical. C'est là qu'il a confectionné son personnage de clown avec sa salopette rayée bleue et son t-shirt jaune puis teint rouge. Comme artiste, il est apparu pour la première fois à la télé le 19 mai 1974, lorsque Guy Lux diffuse l'histoire... Non, là, c'était l'histoire d'un mec. Ah, c'est là, c'était l'histoire d'un mec. Mais il a pas posé en même temps pour le Schmilblick en 74. Non, c'est en 75 qu'il deviendra célèbre en parodiant le jeu télévisé le Schmilblick. Ouais. Avec son rôle de Papy Mougeot. C'est Papy Mougeot! Une personne âgée qui n'arrivera pas à prononcer le nom au moins trois fois. Le Schmilblick, le Schmilblick. Il y a qu'arrive à la fin où quand le commentateur lui demandera à quoi pensez-vous, qu'il dira rien, puis après qu'il recommencera à avoir du mal à prononcer le mot Schmilblick. Il se présente pour la campagne présidentielle en 1981, en comptant que candidat nul. Il va avoir plusieurs slogans choquants, mais se retirera de l'élection sous pression et l'assassinat de son régisseur. Il a fait plusieurs films. Et il a reçu le César du meilleur acteur en 1984. Avec quel film ? Dans son rôle tragique Ciao Pantin. Il réalisa aussi un seul film. C'est Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Où il fera le rôle principal du roi Gros Pif. Le 15 octobre 1984, il participe à la création SOS Racisme avec Harlem Désir. Oui. Le 25 septembre 1985... Voilà, si je ne me trompe pas, il fera les Restos du... Non, c'est le mariage... Thierry Leluron. Il fera une parodie du mariage avec Thierry Leluron, pour le meilleur et pour le rire. Exactement. Ensuite, le 26 septembre 1985, il conçoit et lance le projet Resto du Cœur sur Europe 1. La loi Coluche, votée en 1986, permet à un donateur de déduire une partie de ses impôts. Il va faire animateur de télé et de radio, surtout sur Europe 1. Avec On n'est pas là pour se faire engueuler et il y en aura pour tout le monde. Sur RMC, où non, normalement il était embauché pour 3 mois mais il sera viré au bout de 15 jours. Et pourquoi il sera viré au bout de 15 jours, Franck? Pour tout simplement, il leur a dit bonjour, nous sommes en direct sur le rocher aux putes. Et pourquoi il avait dit bonjour, nous sommes en direct sur le rocher des putes? Alors, ah, bonne normalement, question. Le directeur de la station lui avait demandé d'épargner la famille princière parce qu'elle détenait 17% de la majorité des actions. D'accord. Il participe au lancement de la station RFM avec le journaliste Patrick Meyer. Après, pour la télé, il sera sur Canal+, Coluche, Info. Ses passages à la télé sont aussi mémorables comme le jeu de la vérité. Enfin, là, j'avais pas vu d'extrait. D'accord. Par contre, Coluche avait offert une carabine 22 Lorif à un de ses amis. Tu peux nous rappeler son nom? Patrick Devers. Et il va se suicider avec cette carabine-là. Et Coluche aura du mal à s'en remettre, il plongera dans la drogue et je dans pense, l'alcool. Je pense qu'il s'en rendra tout le temps, c'est là qu'il a dérivé en plongeant dans la drogue et l'alcool. Plus son divorce avec sa femme. Oui. Il était aussi un passionné de sport mécanique. Il a été recordman du monde de vitesse du kilomètre lancé sur piste à moto. Il atteindra 252,087 km/h sur une 750 Yamaha le 29 septembre 85. Il est décédé le 19 juin 1986 dans un accident de moto à Opio qui se situe dans les Alpes-Maritimes. Il y a Renaud, je crois, Renaud, là, un grand chanteur de renom d'époque, qui chantera une chanson pour lui. C'était quoi, la chanson? Putain de camion. Exactement. Quelques jours après son décès. Il y a aussi, en 2008, Antoine Decaune qui réalise un film sur la candidature de Coluche. Ça sera François-Xavier de Maison qui interprétera le rôle de Coluche. En 2008. Enfin, je vais vous passer des extraits de Coluche. Donc le premier extrait, c'est sur du sketch Le Chômeur. Oui. On me dira si c'est encore d'actualité. Quand j'étais petit, je voulais être chômeur. Maintenant, je suis grand, je suis chômeur. J'hésitais entre... ouvrier chômeur et patron chômeur, et puis finalement j'ai pris ouvrier. Eh ben, je suis content parce qu'il y a plus de choix. On est peinard, vous voyez, pour choisir, on a... Ah oui, il y a du choix, hein, c'est bien. Ah ouais, enfoiré, ouais. Moi j'ai été remplacé par une machine, avec toute l'équipe de mecs qu'on était. Ah, une machine super, hein. Elle fait tout le travail à notre place, aussi bien, au moins aussi bien que nous, hein. Sinon mieux. Et puis alors, la machine, ça a pas besoin de salaire. Ça a pas besoin de repos, ça a pas besoin de vacances, c'est jamais malade, et pire, ça a même pas besoin de travail. Parce que tout le monde gueule, on dit, ouais, il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail. C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait. Est-ce que vous pensez que c'est encore d'actualité ou... Bah, oui, c'est encore d'actualité. Oui, je pense, oui. Bah oui, de toute façon, le chômage, de toute façon, a dépassé les 3 millions de chômeurs maintenant. Si je me trompe pas, on a 3 millions et demi. Oui, puis c'est une question qui se pose tous les jours, de toute façon. Bah, et on se la posera aussi demain et après-demain et dans les années qui suivent. Hein. Bah, comme il dit Coluche, hein, tu touches le premier, t'arrives à la fin du mois, t'es 30 jours après, t'es toujours autant la dalle. Hein. Eh oui. Et c'est pour ça qu'on crève de faim. Bon, on crève de faim, non, faut pas abuser non plus. Ah, on crève de faim. Bon, Taous, t'as pas l'air de ressembler à une Éthiopienne non plus. Je suis bien enrobée. Non, t'es pas bien enrobée, t'es bien portante. Je suis bien portante. S'il te plaît, Franck, fais quelque chose, aide-moi. Je vais vous passer un second extrait qui vient du sketch Le Belge. Moi, je sais que les Français, ça moque tout le temps de nous. Moi, je le sais, parce que je vais souvent en France. Ah, moi, c'est ça, les Français ne nous aiment pas. Mais c'est, vous savez, c'est les Français nous prennent tout le temps pour des imbéciles, c'est surtout parce que les histoires belges, c'est facile à comprendre. Hein. Moi, c'est qu'ils sont jaloux de nous, c'est à cause du sport. Ah ouais. C'est parce que nous sommes un tout petit pays, pas pour le sport, nous sommes très forts. Et puis ça, on a arrêté le waterpolo, on avait noyé tous les chevaux. Mais ça... Mais ça, vous savez pourquoi les Français ont choisi le coq, n'est-ce pas, sportif, comme emblème? C'est le seul oiseau qui arrive à chanter les pieds dans la merde. C'est les Français disent tout le temps, le Belge c'est le con, le Belge c'est le con, n'est-ce pas? Mais rien qu'en France déjà, il y a plus le con que de Belge. Je vois bien, moi, je vois. Ah, pensez-vous que c'est encore d'actualité Oui. Rien à dire. On a toujours les pieds dans la merde de toute façon en France, quoi qu'il arrive, même quand on aurait de l'argent dans la poche, on aura toujours les pieds dans la merde. Quand on va dormir, même quand on se réveille, on a déjà les pieds dans la merde. Déjà que les Anglais viennent de sortir de la merde. Ouais. Voilà. Je vais vous passer à un troisième extrait qui vient de l'étudiant. C'est mon père, il voulait que je sois technocrate comme métier. Parce qu'il disait, ça au moins, on ne sait pas ce que c'est. C'est pas chiant, hein. Mon père, il disait, les technocrates, c'est des mecs que quand vous leur posez une question, une fois qu'ils ont fini de répondre, normalement, vous ne comprenez plus la question que vous avez posée, vous voyez. C'est vrai, en plus. Pensez-vous que c'est encore d'actualité? De toute façon, quand on me pose une question, 5 minutes après, je me rappelle plus. Et toi, t'as où ça? J'ai cru que vous m'avez oublié. Pareil. Donc, je vais vous passer à un quatrième extrait. Française, français, cette année c'était très bien, l'année prochaine ça sera pire. Et oui, mesdames, messieurs, le pays va mieux que l'année prochaine. Vous envisagez un redressement dans 5 ans? En effet, dans 5 ans, nous serons considérés comme un pays sous-développé auquel viendront en aide les pays industrialisés. Vous ne dites rien, tant mieux. De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Et rappelez-vous que si la Gestapo avait les moyens de vous faire parler, les politiciens d'aujourd'hui ont les moyens de vous faire taire. Est-ce que vous pensez que c'est d'actualité? Bah écoute, même 30 ans après, je pense que oui, même 30 ans après, ils ont toujours les moyens de nous faire taire, parce que le droit d'expression en France, on peut dire ce qu'on veut, mais il faut fermer sa gueule. Oui, mais maintenant, on est en démocratie. Il faudrait se lever de bonheur pour trouver une démocratie en France. On a le droit de dire ce qu'on pense. Oui, bien sûr. Surtout la peine de prison qui suit derrière. Ouais, s'il n'aurait pas été là, je crois qu'on n'aurait pas bougé depuis. De toute façon, depuis qu'il est parti, on bouge. Mais ça bouge quand même. T'as plus le droit de parler, c'est pas vrai. Tu peux plus dire merde à quelqu'un quand il parle. Ah, ouais, attends, on va stopper un peu parce que je vois que Franck se met à rire. Alors, vas-y. Donc, on va rire avec lui, il va nous dire pourquoi. Alors, si vous écoutez, c'est vrai que maintenant, on peut plus vraiment dire ce qu'on veut. Quoi qu'il arrive... Oui, mais il faut dire merde à tout, il faut parler, dire ce qu'on pense, et voilà. La France, c'est égalité, fraternité, liberté, mais surtout, ferme ta gueule. Nous sommes en démocratie. Ouais, bien sûr. Et bien sûr, on a le droit de dire de tout ce qu'on pense, maintenant. Ah, t'as le droit de dire tout ce que tu penses. Même s'ils sont pas... On va voir dans les tribunaux du Nord, tu vois, si t'as le droit de dire ce que tu penses. Ah, mais t'es libre de dire ce que tu veux. Ouais. Tu as le droit. T'as le droit de dire ce que tu veux. Le juge, il a le droit de te mettre la peine qu'il veut. Ah oui, lui, il finit, lui. Non, il finit. Si c'est pour te mettre en taule, autant fermer ta gueule. Donc, on va passer à un extrait suivant de « Je me marre ». Je me marre! Je me marre! Je me marre! Tout le monde se plaint maintenant! Alors, vous ouvrez le journal pour apprendre que 20 Portugais, hommes, femmes et enfants, vivent dans la même pièce, un taudis dégoûtant et une photo, c'est horrible. Je dis non! Ces gens-là n'ont pas raison de se plaindre! On n'est pas allé les chercher. C'est eux qui sont venus. Et puis qu'est-ce que c'est que ces Portugais qui viennent retirer le pain de la bouche à nos Arabes? Sans compter que sur 20 Portugais, il y en a quand même un qui pourrait faire le ménage, non? Oh non, mais le personnel, c'est une calamité. Alors on vous dit, oh, mais ce sont des braves gens, ils sont venus chercher du travail en France. C'est pas vrai. Réunion. Ils sont venus chercher du chômage en France. Tellement que c'est pauvre, dans leur pays, il n'y a même pas de chômage. Je me marre. Parce que pour qu'il y ait du chômage quelque part, il faut déjà qu'il y ait du travail. En France, il y a les deux. Seulement quand il y a du travail, Les travailleurs se plaignent de travailler. Oui, on n'est pas assez payé, on travaille trop, on nous fout à la porte, on est du syndicat, tout ça. Seulement quand il y a du chômage, les chômeurs se plaignent de chômer. Voilà. Et on peut même pas concilier les deux en remplaçant les uns par les autres, hein. C'est les mêmes. Je me marre. Alors on vous dit, il n'y a qu'à foutre les chômeurs à la porte. Mais en fait, on pourrait envoyer chez eux les Portugais, les Africains, les Nord-Africains, les Juifs. Non, pas les Juifs. Mais déjà rien que ceux-là, hein. D'autant que la majorité d'entre eux sera bien mieux chez eux. La preuve, on y va en vacances. C'est vrai. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est d'actualité? Non, oui. Non, c'est pas d'actualité, faut pas abuser. C'est si, quand même. Bah non, ça a évolué depuis le temps. Attends, ils viennent pas tous spécialement pour toucher en France. C'est vrai, faut dire ce qui est. Ouais. Hein, il y a pas de boulot, c'est la crise mondiale qui veut ça. Mais dans le sketch de Coluche, il joue un raciste des années 80. Est-ce que le racisme aujourd'hui, vous pensez qu'il est toujours d'actualité? Ah oui. Non, raciste. Le racisme, si, il est tout le temps. De toute façon, je sais même pas s'il va partir un jour, de toute façon, parce que si. Donc la caricature, elle fonctionnerait toujours. Oui. Ouais, elle est toujours d'actualité. Et toi, tu en penses quoi, Franck? Tu penses que ça fonctionnerait toujours aujourd'hui, cette caricature? Non, oui, de toute façon, il y en a qui sont toujours racistes, quoi qu'il arrive. Ah bah, c'est sûr, de toute façon. C'est pas spécialement du racisme, moi je dis que c'est de la jalousie. Hein. C'est de la jalousie, c'est simple. Il y a de toute façon la jalousie, elle dit je suis le raciste, hein, parce qu'il y a. Tout ça parce qu'il est étranger, bon lui il a du boulot, mais faut oublier que s'il a du boulot, c'est parce qu'il a passé des études pour avoir du travail. Ouais. Hein, on va pas non plus, je vais pas dire que moi je vais être médecin alors que l'autre il a fait 25 ans de médecine et puis que moi j'ai jamais fait de médecine, on devient pas médecin comme ça en claquant des doigts, hein. C'est pas parce que voilà. Bon, si c'est vrai, c'est toujours d'être tout le temps comme ça. Et c'est ça finira jamais de toute façon. Un dernier extrait. Moi je suis FO, je suis délégué syndical. J'arrive le matin, camarade. La contestation est née du capital. Elle est engendrée par le capital. Le capital est donc plus important que la contestation, car la contestation ne vit pas de ce qu'elle conteste, alors que le capital vit de sa contestation. Je vous rassure tout de suite, les autres comprennent pas non plus. Mais au moins, ça fait plaisir de savoir qu'on est... Il a répondu à ta question. Je comprends pas. Parce que nous, on n'est pas cons, le syndicat, on fait croire qu'on comprend. On n'est pas cons. Et puis moi, j'ai repéré un truc. Le ton compte beaucoup et les gens. Attendez, je vais vous le faire. Camarade! D'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne ce que le mercurochrome est à la jambe de bois. À cela, je dirais, rappelez-vous l'essentiel. Camarades, le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le syndicalisme, c'est le contraire. Là, je crois que les deux, aussi bien les syndicats que les communistes, ils viennent dire, je crois que les deux, c'est exactement la même chose, profiteurs. Ouais. Pour moi, c'est que tous les deux, aussi bien, si, c'est des profiteurs. Ouais, c'est toujours l'actualité. Ouais, il a voulu exprimer l'essentiel. C'est toujours aussi bien la CGT, qui sont protégés, je sais pas pourquoi, là. Ça reste des profiteurs. C'est vrai, regarde les usines qui partent à l'étranger, c'est à cause de quoi? Tu regardes, des fois, les gens, ils vont travailler le matin, il n'y a plus rien dans les usines. Elle est où, notre usine? Bah, ils vont partir à l'étranger. Bah, parce que l'étranger, ils sont payés plus cher, donc, ils s'en vont. Ils ont payé moins de taxes. Moins de TVA, moins d'impôts. Ouais, tout ça, ouais. Ici, tu payes des impôts pour tout. Tu prends une taxe dessus. La taxe, c'est un impôt. Le pire, c'est qu'on est obligé de payer. Bah, si tu vis pas, tu vis dans les bois. Et encore, pour vivre dans les bois, faut que tu payes. Est-ce que vous pensez que les autres humoristes pourraient le remplacer, Coluche? Certains humoristes, oui, mais pas tous. Pas tous. Ils sont pas tous bons. Ils arrivent pas à la cheville de Coluche. Hein. Non, exceptionnel. Il y en a qu'un. T'en as quelques-uns. T'en as quelques-uns. Bon, t'en as aussi qui sont partis aussi. Hein, mais t'en as quelques-uns qui volent le coup. À cette époque? Si, comment, tout à l'heure, j'en ai discuté avec Franck. T'as Anne Romanoff. T'as encore qui derrière qui discutait, qui a fait la plage, là? Franck Dubosc, tout ça, c'est des bons humoristiques quand même. Ouais, ils sont bien. Ouais, mais Il s'appelle Jamel Debbouze. Eh bien, quand même, Jamel Debbouze. Ah, mais c'est à part. On peut pas. C'est à part, moi je dis. Bon, ça ressemble pas à Coluche, mais c'est bien quand même. Coluche, c'est Coluche. Les autres, c'est les autres. Ils ont peut-être un point de vue différent des autres, bien sûr. Mais Coluche, c'est Coluche. Bon, il peut pas y en avoir deux. Il n'y en a que un sur Terre. Et il n'y en avait que un. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, chacun a le droit d'avoir son opinion. Est-ce qu'il a été un bon prof? Pour moi, Coluche est toujours irremplaçable. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Bah, disons, si tu suis tout ce qu'il a fait, oui, il sera irremplaçable, mais en tant qu'humoristique, il y en a qui arrivent à... Si, il y en a des, quand même. Il y en a, ils ont du talent. Bon, maintenant, si tu suis la carrière de Coluche et puis la carrière des autres humoristes, non, c'est pas du tout la même. C'est pas pareil, ouais. Donc, il y a que Coluche. Il y a que Coluche pour toi. Alors. Non, pour tout le monde. T'en as des bons. Non, si, t'en as des bons, t'en as des bons. Il y en a des bien, bien sûr. Il y en a de bons, mais, bon, Coluche, c'était peut-être le père des humoristiques. Le père des humoristes, on va dire. Moi, je pense qu'il allait au-delà du problème. Alors lui, il disait tout, hein. Mais sans gêne, sans rien. C'était comme ça ou rien d'autre. Enfin, il a fini dans un SMIC quand même. Bah oui, parce que il parlait trop. Moi, maintenant, est-ce que ça a avoir quelque chose à voir? On n'en sait rien. Ouais, il n'était pas là pour voir. Tout simplement liberté d'expression utilisée. Je crois qu'il était trop franc, trop direct, trop. Bah, disons que t'es en France, t'as le droit de parler, de dire ce que tu veux. Bah oui, c'est pour ça qu'on dit qu'on est en démocratie. Oui, on est en démocratie jusqu'à ce que le jour où tu passes au tribunal. Non, mais Coluche, avec tout ce qu'il a fait. Bah, tout ce qu'il fait encore. Et ça se suit. Jusqu'à des enfoirés, tout ça, on en parle tout le temps. C'est eux qui récoltent tous les dons pour les CD. Quand on achète un CD des enfoirés, une partie va justement à l'association pour... Et je pense que s'il n'aurait pas été là, il n'y aurait jamais eu... Ce qui en est maintenant. Ça aurait évolué. Ce qu'il a fait. Peut-être que ça aurait été fait d'une autre manière. Ouais. Mais ça aurait été quelqu'un qui aurait parlé, qui serait tu. Mais lui, il a parlé malgré qu'on le faisait montrer du doigt, tu vois. Et c'est quelque chose de beau. Faut y aller quand même. Bah déjà, faut avoir plus de couilles que lui. Bah lui, il est porté, il est porté bien. Attends, on les a pas. Alors. Bon, pense quoi? Moi, pour l'instant, il est remplaçable. Il y en a qui... Parce qu'ils ont pas tous le même style d'humour non plus. Oh, c'est sûr, Mathieu. C'est vrai qu'on parle de la personnalité de Coluche. C'est vrai qu'il y en a que un. Bon, on met pas les autres à côté, hein. Non. Faut pas les mettre à côté parce qu'ils ont leur style. Non, mais la question de Franck, c'était est-ce qu'on peut trouver quelqu'un à l'époque où on est qui remplacerait Coluche? Moi, je dis non. Si, t'en as des bons. Il y en a des bons, mais comme lui, non. Si tu suis sa carrière, non, mais en tant qu'humoriste, Ou à moins qu'il y en a des cachés qu'on connaît pas et qu'on n'a jamais su. Ouais, il y a aussi les inconnus qui sont... Ouais, inconnus. Qui ont joué dans les trois frères. Ouais. Et c'est lesquels qui jouent, si, c'est eux, je pense. Oui, les trois mages. Ouais, les trois mages. Ouais. c'est bien. Les rois mages, pas les trois fromages. J'ai bien dit les trois mages, pas les trois fromages. Après, il y a Chevalier aussi, Las Palès. Ah, les deux, là, ouais, si, c'est clair. Mais attends, on parle des autres humoristes et tout ça, là. Mais vous avez pas oublié, là? De quoi? Nous trois. Nous aussi. Non, mais on n'a pas la carrière qu'ils ont eue, on n'a pas les épaules qu'ils ont eues, faut arrêter. Un début à tout, hein. Ah, même un début à tout, t'as vu les mecs, toi? Eh, ils en ont plus dans le cerveau qu'on n'aura jamais. Ah, faut jamais dire ça. Ouais, bien sûr. Bon. C'est bon. Bah écoute Franck, Taous, je vous remercie d'être passé sur OR, l'émission qui fait toujours plaisir et qui fait rire les gens. Merci Julia. Merci Julia. Je remercie la technique, Yannick Edou, présent. Merci à vous. Oh non, pas lui. Je remercie Patricia qui nous a fait faire beaucoup de sophrologie. Et qui nous a donné du bien. Ah oui, excellent. Un grand bien. Excellent. Ah oui. Rien qu'à voir sa beauté. Je remercie aussi Perrine à l'accueil, qui est très bien, qui sait rire, oui. Très accueillante. Très accueillante, exactement. Bon, enfin, je remercie tout le monde. Je remercie aussi la formation de Dipas, tout le monde. Et les auditeurs, surtout les auditeurs et les auditrices, qui, s'ils écoutaient pas, je ne serais pas là. Hein. Et je vous dis à peut-être un prochain reportage. Espérons. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.